Composition de l'aloe vera au Barbadensi. L'aloès est connue à travers les siècles, et elle est passée à l'histoire dans les cultures, et les civilisations les plus variées, comme plante du mythe et de la magie, utilisée aussi comme plante médicinale, mais sans un support scientifique. L'utilisation de l'aloès dans un but thérapeutique, a été décrite dans plusieurs journaux médicaux, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, bien que les analyses chimiques sur la matière organique, furent virtuellement méconnues jusqu'au XIXe siècle. C'est seulement en 1815 que la substance visqueuse, amère et foncée, extraite de l'aloès, a été cristallisée et identifiée comme aloïne, CFR. La cure silencieuse, page 65. Elle a été classifiée comme cathartique, et son emploi pharmacologique, a commencé à se mouvoir sur les normes de l'importance qui lui avait déjà, été conférée et qui a servi à l'identifier au cours d'un siècle. Bien que ses propriétés curatives fussent connues, au fond, la plante conservait des caractéristiques folkloriques et mystiques. À partir de l'année 1930, un grand nombre de chercheurs se sont consacrés à la plante, la sélectionnant et l'analysant extérieurement et intérieurement. Collin et Creux ont été les premiers, dans les années 30, à utiliser la plante en tant que spécialiste. Ils ont soigné avec succès des brûlures de la peau provoquées par la radioactivité, et ce fut là le début d'une longue marche, ayant pour but la révélation des prodigieuses qualités de l'aloès. En 1938, Chopin et Gauche identifient les principaux composants de la plante, hémodine, aloïne, acide chrysophanique, résine, gométrase d'acides volatiles et non volatiles. Une importante collaboration. Mais c'est seulement en 1941, grâce aux efforts du professeur Derove, que l'aloès a eu sa première description détaillée. Avec son inépuisable engagement dans la recherche de la vérité et avec l'analyse chimique de la plante, le professeur Derove a réussi à lui donner crédibilité. Tom Derome et Lloyd Monsieur Park ont effectué une analyse approfondie de la plante et ont enregistré leurs résultats dans le journal de l'Association pharmaceutique américaine. D'autres noms de chercheurs méritants pourraient être ajoutés à la liste, avec le risque, toutefois, d'omettre des noms importants. Rappelons en particulier Gottschall, Lorenzetti, Maria-Louise Adamico, G.A. Bravo, Ikawa, Niemann, El-Zawahiri, Egazi, El-Al, Gumark Gersta, G.D. Bouchet, Rutsim, E.R. Zimmermann. Kenichi Imanishi, T.E. Danoff, Fujita, Hatsuda, Kamatsumoto, M. Ito et un Hirono, entre autres. Chacun avec une importante contribution pour compléter les connaissances de cette merveille de la nature. Sans entrer dans le mérite des études de chaque chercheur, qu'ont-ils trouvé d'utile dans l'aloès, depuis 20 ans d'intense travail, pour les personnes et pour les animaux? Le genre botanique aloès, autrefois classé dans la famille des Liliacées, et actuellement inséré dans celle des Aloacées, comprend une vaste variété de plantes, environ 350 espèces sur toute la planète, sans pévirant et avec feuillage gras, il possède des fleurs de forme allongée avec des tonalités de couleur, qui vont de l'orange au rouge écarlate. Les plantes se présentent sous diverses formes aussi bien en ce qui concerne la présence ou l'absence de différents types de troncs, qu'en ce qui concerne les dimensions et la forme des feuilles, il existe des espèces de grandeur très diverses, de celles miniatures à celles de grandes dimensions, ces dernières, en particulier, sont les plus fréquemment utilisées dans le domaine de l'herboristerie et de la phytothérapie, parmi celles-ci. Les variétés d'aloe barbadensi millet, aloe vera, et d'aloe arborescens millet, sont les plus connues et les plus caractéristiques. Aloe barbadensi millet, aloe vera. Plante vivace qui possède des feuilles charnues et succulentes de couleur verte, marbrée. Les feuilles sont très riches en gel par rapport à la cuticule externe, et, parmi les différentes substances présentes, un polysaccharide prime sur les autres, la sémanène, impliquée dans des processus d'immunomodulation et d'action anti-inflammatoire, de grande importance thérapeutique. L'aloïne contenue dans la plante qui appartient à la famille de molécules anthraquinoniques, avec des propriétés laxatives, drainantes et purifiantes, a les caractéristiques chimiques spécifiques de la barbaloïne. Actuellement, l'aloe vera est, du point de vue officinal, la variété la plus connue de cette espèce. Cette situation n'est pas due à un contenu en principe actif plus important par rapport à d'autres variétés, mais dérive uniquement du rendement élevé en gel de ses grandes feuilles, et de la facilité de traitement pour la transformation en pulpe, à consommer comme boisson ou à utiliser en gel pour usage topique. En réalité, dans cette variété, certaines molécules dotées d'activités phytothérapiques sont présentes en quantité inférieure par rapport à des variétés à feuilles plus petites, comme l'aloe arborescente décrite ci-dessous, rare et moins appropriée à être utilisée industriellement. Aloe arborescent. Comparé à l'aloe vera, l'aloe arborescent a des feuilles plus étroites et filiformes, avec cuticule externe plus épaisse, ce qui lui offre une plus grande résistance à des conditions d'environnement moins favorables, climat rigide. Cette caractéristique morphologique détermine une plus grande présence d'éléments anthraquinoniques dans la plante, l'aloïne principalement, responsable aussi bien de l'effet laxatif, que des effets cytoprotecteurs et antitumoraux, Par rapport à l'aloe vera, dans l'aloe arborescent ceux-ci sont bien plus évidents. Le contenu en gel est proportionnellement mineur par rapport à la variété vera, cette situation moins favorable à des fins commerciales, moindre rendement produit, coût, AFEC. Jusqu'à maintenant, l'aloe arborescent ait été employé de façon réduite, bien que ses propriétés phytothérapiques résultent être sûrement supérieures à celles de l'aloe vera, comme le démontre la plus récente bibliographie internationale. Le rendement par feuille et le travail manuel pour l'obtention du jus dérivé de cette plante ont porté le prix commercial à des niveaux élevés pour un marché de masse, mais, en Italie, l'activité de culture de cette variété d'aloe est en train de se développer car la production est justifiée par des motivations et des nécessités phytothérapiques. La disponibilité en Italie de cette variété d'aloe permet la commercialisation de produits frais, préparés directement sur le lieu de culture. Les produits alimentaires et phytothérapiques à base d'aloe ainsi obtenus conserve toutes les caractéristiques biochimiques nutritionnelles, ainsi que celles phytothérapiques, et cela, aussi bien pour les produits cosmétiques à base d'aloe, que pour la préparation alimentaire. Fort connu, dérivé de la recette originale du frère brésilien Romano Zago. Actuellement, avec l'utilisation comme matière première pour la préparation des produits commerciaux d'aloe vera séché, provenant de pays extra-européens, et détérioré par des semaines de permanence dans des containers non réfrigérés, on ne peut pas disposer d'un produit de qualité nutritionnelle et thérapeutique approprié. En dehors de ces considérations de caractère qualitatif, la plante d'aloe présente une distribution qualitative de principes actifs assez constante dans les différentes variétés. Les principales et plus spécifiques représentantes de ces molécules sont reportées et illustrées brièvement dans les pages qui suivent, mettant en évidence leurs propriétés chimiques, biochimiques, nutritionnelles et phytothérapiques.